y a des noms qui font frémir les amateurs de science, parfois pour de très mauvaises raisons. C'est le cas de Sigmund Freud, dont la théorie psychanalytique est considérée par les popériens comme une pseudo-science impossible à vérifier ou à réfuter expérimentalement. Mais c'est oublié un peu vite qu'avant cette théorie, Freud a eu une longue carrière de scientifique, neurobiologiste, psychiatre, qu'il a notamment travaillé sur les paralysies infantiles, sur l'hystérie auprès de Charcot, et que ses travaux lui ont tout de même valu le fait d'être proposé 12 fois au prix Nobel de médecine. C'est de ce Freud-ci dont nous allons vous parler aujourd'hui. Freud de l'autre côté du divan, c'est le programme pré-analytique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ses contributions scientifiques, comment elles débouchèrent in fine à la formalisation de cette théorie psychanalytique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laura Bossi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue, historienne des sciences au laboratoire Sphère de l'Université Paris Diderot. Et Andreas Mayer, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, sociologue, directeur de recherche CNRS affilié au centre Alexandre Coiré à l'EHESS. Mais avant de remonter le temps et l'histoire des sciences, nous commençons par son présent, l'actualité de la recherche dans le JDS de Natacha Triou qui n'a rien d'inconscient. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Nature Communications. La structure des protéines d'Alzheimer est observée dans le cerveau pour la première fois. L'une des caractéristiques de cette maladie, c'est la formation de fibrilles amyloïdes dans les tissus cérébraux. Néanmoins, la structure de ces fibrilles est mal comprise. Cette étude montre pour la première fois la structure des filaments d'amyloïdes bêta issus de cerveaux de personnes décédées de la maladie d'Alzheimer. Alors, on avait des structures de ces fibrilles A-bêta, mais in vitro, de façon synthétique. Ces chercheurs allemands et australiens ont donc réussi à les extraire. Ils en ont fait une caractérisation ultra-structurale au niveau de l'atome grâce à la cryomicroscopie électronique. Et surprise, la structure de ces filaments diffère de ce que l'on avait vu auparavant. Florence Clavaguerra est post-doctorante dans l'équipe maladie d'Alzheimer, maladie à prion, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière de Paris. Cette étude-là, elle a été réalisée à partir de cerveaux de 3 patients différents. Et on a pris les méninges de ces patients, c'est-à-dire que essentiellement, on a pu isoler les peptides A-bêta qui étaient présents dans les vaisseaux sanguins de ces patients. Donc là, ce qui se passe, c'est que nous avons une sous-population de fibrilles A-bêta, qui est très importante, parce que dans le tissu cérébral également, autour des vaisseaux, il y a cette pathologie amyloïde particulière dans les vaisseaux. Donc là, on a pu les extraire. C'est le peptide A-bêta qui est essentiellement de 40 acides aminés de long, que l'on retrouve aussi au niveau synthétique. Et donc, de façon synthétique, on a observé un repliement et un arrangement qui est différent de ce que l'on trouve ici, donc en ex vivo. Et en fait, c'est essentiellement dans le sens que prend la tournure de l'hélice quand elle se replie en fait de l'A-bêta. Et là, on trouve un tour à droite, pour être un peu plus précis, alors que, par exemple, pour les filaments synthétiques, c'est un tour à gauche. Donc voilà, par exemple, des petites subtilités comme ça. Ici, on voit bien que ça diffère de l'in vitro. Et donc, c'est très important de partir de tissus de patients, en fait, pour analyser tous ces filaments. Du coup, on peut cibler de façon bien plus adaptée tout ce qui va être les approches thérapeutiques. Jusqu'à présent, si l'on se basait sur les peptides synthétiques, qui apportent bien sûr des informations, mais qui sont, comme on le voit ici, bien différentes de ce qu'ils sont dans le cerveau, eh bien, on peut avoir des approches qui vont peut-être pas fonctionner à 100% chez le patient. Et on passe au bref. Dans une étude publiée hier dans Science Advances, les géophysiciens du CNRS ont identifié les rapports de force et les dynamiques des tectoniques des plaques. Et il est resté un mystère. Est-ce le manteau terrestre qui tire les plaques et qui induit leur déplacement ? Ou l'inverse? Pour répondre à cette question, cette équipe française a créé la simulation 3D la plus complète à ce jour. Pendant 9 mois, un super calculateur a modélisé 1,5 milliard d'années d'évolution de la planète. Ce modèle montre que les deux phénomènes coexistent. Les deux tiers de la surface de la Terre se déplacent plus vite que le manteau et tirent donc l'intérieur. Et dans l'autre tiers, en revanche, c'est le manteau qui pousse la surface avec lui. La modélisation montre également que ce rapport de force a évolué tout au long de l'histoire de notre planète. Et dans une étude parue cette fois dans la revue Joule, des batteries lithium-ion de voitures électriques pourraient se recharger en seulement 10 minutes. L'un des problèmes des batteries des voitures électriques, c'est la durée de recharge. Jusqu'à présent, un transfert rapide d'énergie entraîne un dépôt de lithium sur la surface de la cathode de la batterie, ce qui les endommage. Alors pour éviter la formation de ce dépôt, les chercheurs de l'université de Penn State ont eu l'idée d'augmenter la température de la batterie pendant le temps de charge. Ils ont ainsi transféré l'équivalent de 400 kW en 10 minutes. Alors cela reste à l'état de recherche fondamentale, on est encore loin du stade industriel. Et pour finir, des chercheurs japonais viennent de découvrir une nouvelle espèce de crustacé, mais à l'intérieur de la bouche d'un requin baleine. Ce gammaridé a été baptisé Podocerus jimbei. Il mesure 3 à 5 cm de long et il loge dans les fentes branchiales du requin baleine. Les fentes branchiales filtrent l'eau de la nourriture. De cette façon, ce crustacé est facilement nourri, oxygéné, sans avoir à craindre le moindre prédateur. C'est vrai qu'on passerait sa vie aux côtés de requins-baleines. Merci beaucoup, Natacha Trion. On vous retrouve demain en direct de la Cité des Congrès à Nantes pour le Festival des Utopiales où nous serons bien avec vous et après avec le Journal des Sciences et avec, comme tous les vendredis, un vendredi sur deux, plus exactement, le Journal de la Science-Fiction. C'est donc de Sigmund Freud dont il va être question au cours de cette émission et plus précisément de son parcours médical, de ses travaux en neuropathologie, en psychiatrie, de son cheminement jusqu'à la formulation de sa théorie psychanalytique. Parce que, eh bien, si cette théorie a fait oublier que Freud est avant tout médecin, ce sont bien ses travaux tout au long de sa très longue première partie de carrière qui vont aboutir in fine par lui permettre d'accoucher, alors sans mauvais jeu de mots, j'essaie de pas en faire trop pendant cette heure, de l'association libre et du transfert. Comme lui-même le disait d'ailleurs dans ce document radiophonique de 1938, écoutez la voix de Sigmund Freud. I started my professional activity as a neurologist. J'ai débuté mon activité professionnelle en tant que neurologiste, essayant de soulager mes patients névrosés. Sous l'influence d'un ami plus âgé et par mes propres efforts, j'ai découvert de nouvelles et importantes données à propos de l'inconscient dans la vie psychique. Le rôle des fortes envies instinctuelles, et ainsi de suite. De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse, une partie de la psychologie, ainsi qu'une nouvelle méthode de traitement des névroses. J'ai dû payer lourdement pour ce bout de chance. Les gens ne crurent pas en mes observations et trouvèrent mes théories douteuses. La résistance fut forte et incessante. Finalement, j'ai réussi à avoir des élèves et à construire une association internationale de psychanalyse. Mais la lutte n'est pas encore terminée. Voilà, la voix de Sigmund Freud à la toute fin de sa vie. Nous sommes en 1938, il décédera en septembre 1939, où on parle évidemment beaucoup de sa théorie psychanalytique et des obstacles qu'il a rencontrés, mais il met bien, on entend au début de cette archive, Laura Bossi, cette théorie psychanalytique dans la lignée de ses travaux en neurologie, en neuropathologie. Oui, en effet, Freud lui-même a voulu, on le sait, séparer ses œuvres psychanalytiques de ses œuvres neurologiques et plus en général la psychanalyse de la médecine. Il a même qualifié cette dernière de deux tours. Mais un des tours du besoin qu'il avait déjà éprouvé dans sa jeunesse de comprendre quelque chose aux énigmes des univers. C'est un terme très heckelien, très... de l'époque. Mais quand on regarde bien, et on se rend compte qu'évidemment, pour un historien, séparer les travaux pré-analytiques des travaux analytiques n'a pas beaucoup de sens. Et déjà parce que, comme vous le dites, quand il a utilisé pour la première fois le terme de psychanalyse, il avait 40 ans. Et quand il a commencé à publier des ouvrages vraiment psychanalytiques, ben, il avait passé la quarantaine et il avait derrière lui quand même une carrière d'abord de chercheur et ensuite de médecin qui lui avait quand même s'il parfois il jouait un tout petit peu pour montrer qu'il n'avait pas eu le succès qu'il avait mérité, mais en fait il était reconnu par ses pairs. Il était cité par Santiago Ramón y Cajal dans ses livres sur le neurone, et il avait participé en fait, on peut en parler plus tard après, sans doute on changera un petit peu, mais il avait participé en tant que neurologue, disons, aux trois grandes aventures ou même épopées de son époque. Il faut quand même pas oublier que c'est un homme du 19e siècle, essentiellement. Hein, parce qu'on a tendance en France, souvent, comme sa réception était tardive, dans les années, après la guerre, après la première guerre, à l'imaginer comme quelqu'un du 19e, du 20e siècle. En fait, c'est quand même toute sa formation au 19e. Et il a participé aux trois grandes aventures des neurosciences de l'époque, qui sont la découverte, la caractérisation du neurone, qui ensuite a culminé dans le prix Nobel de Santiago Ramón y Cajal, les localisations cérébrales, qui lui-même qualifie en un terme très admiratif et qu'il connaît bien par un de ses mentors, on y reviendra sans doute plus tard, voilà. Mais aussi le darwinisme, et en particulier la vision d'un cerveau stratifié selon son ancienneté, l'ancienneté phylogénétique, disons. Donc c'est quand même, quand il arrive à la psychanalyse, il y arrive complètement imprégné de la neurologie de son époque. Andreas Maier, sur le lien qu'il faut faire, sur la continuité qu'il y a entre ses travaux, ses recherches, ses travaux, on va en parler, ce que vient d'évoquer le Rabossi, mais ses travaux sur la paralysie notamment, ses travaux sur la caractérisation, sur l'histologie en neurologie, et puis sur plus tard, des travaux sur l'hystérie. Oui, tout à fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Donc, on a trop longtemps, de façon très artificielle, séparé le jeune Freud, on va dire, le Freud, bon, pas si jeune, voilà, à 40, jusqu'à 40 ans. Donc, le Freud. Très jeune, 40 ans. Pré-analytique. Donc, c'est ce qui est de toute façon, une notion introduite par James Strachey, ouais, le traducteur anglais de Freud. Et c'est un effet qui a été encore renforcé par des éditions qui nous ont suggéré que finalement il y aurait la psychanalyse complètement séparée d'autres travaux, donc de Freud qui prédate donc tout cela. Bon, là évidemment les épisodes donc qui ont conduit Freud à ce recherche. Bon, une épisode a été déterminante, c'est sans doute Paris. Donc, chez Charcot. On va y revenir, on va prendre tout ça par le fil chronologique, on va arriver progressivement à Charcot. Peut-être juste un mot, a posteriori, aujourd'hui, avec vos regards croisés d'historien, comment expliquer, est-ce que finalement cette théorie psychanalytique, ou que ces travaux plutôt pré-analytiques, aient été complètement refoulés, j'essaye d'éviter de faire des jeux de mots, mais c'est difficile, par la communauté, finalement, par l'histoire des sciences. Laura Bossi. Ils n'ont pas été refoulés par toute la communauté d'histoire des sciences. En fait, Freud est cité aussi comme fondateur de la neurologie par tous les grands historiens des neurosciences, à partir des plus anciens de Souris et jusqu'à Founders of Neurology, etc. Mais c'est vrai que bon, il a cherché lui aussi un tout petit peu de séparer les choses, mais surtout, je pense qu'on a voulu voir et ne pas voir que Freud et quand même, il n'était pas freudien. C'était pas du tout un dogmatique. Il évolue tout le temps sur le lit de manière chronologique. C'est un vrai chercheur. Il essaie de comprendre. Il a plein de théories qui évoluent. Et il a quand même une solide base neurobiologique. Il dit d'ailleurs que la personne qui l'a le plus influencé, ce qui peut paraître un peu bizarre, Ebruck, qui est quand même, c'était un... Qui est, rappelez-nous qui était. Ebruck, c'est un de ses maîtres, qui est un grand physiologiste. On l'a appelé l'envoyé en Orient de la grande école de physiologie berlinoise, de Johannes Müller, qui est l'autre grande école de physiologie par rapport à Claude Bernard, si vous voulez. Donc c'est un physiologiste, il a eu des maîtres éminents. Ebruck, qui était ce Prussien rouquin avec un caractère épouvantable à Vienne, était quand même un maître très très important pour la science, pour Freud. Andreas Meyer. Oui, effectivement, donc c'est à l'Institut de Bruck où Freud commence sa carrière scientifique, où il va rencontrer les personnes déterminantes pour sa carrière, Sigmund Exner, Ernst Fleischl von Maxo et surtout Joseph Breuer. Joseph Breuer, bien sûr. Qui fait partie, en fait, ce sont les assistants, les gens qui travaillent à l'Institut de physiologie. Et c'est donc un parcours de théoricien que Freud veut. Freud s'intéresse à la théorie et à la philosophie. Donc, et ça, il faut aussi peut-être souligner que la poussée, en fait, de l'intérêt pour la philosophie est totalement compatible avec la physiologie de l'époque, où on fait des grandes théories sur l'humain, on veut expliquer quand même beaucoup de choses, non pas seulement le système nerveux. Donc, ces choses sont tout à fait compatibles. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc de Sigmund Freud et notamment bien de ses travaux, de la première partie moins connue de sa carrière scientifique. Nous en parlons avec Laura Bossi et Andreas Meyer, tous deux historiens des sciences. Alors on va revenir non pas à l'enfance mais en tout cas au moins à la formation qui est intéressante parce que bien ce début de formation scientifique de Freud est extrêmement marqué. Vous l'aviez cité tout à l'heure Laura Bossi, par Darwin, par la théorie de l'évolution, hein, puisqu'il hésite même d'ailleurs à s'inscrire en zoologie. Oui. En fait, sa vocation scientifique est vraiment d'abord d'un chercheur. D'ailleurs, il passe 10 ans à la fac de médecine, qui à l'époque était pour beaucoup de monde. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de facultés de zoologie. Et l'approche la plus logique, c'était encore celle de faire médecine, des études de médecine, et ensuite de se spécialiser. Et il a passé quand même, ce qui pour quelqu'un qui venait d'une famille bourgeoise pas très très aisée, il a passé 10 ans. Pour ses études, ce qui est beaucoup, et c'était pas parce qu'il traînait ou s'amusait ou faisait la fête, mais et c'était, disons, aujourd'hui, il serait un jeune chercheur passionné, très ambitieux, etc. Et d'ailleurs, il a publié 14 articles, vraiment purement sur l'histologie, sur les cellules neuronales, qu'on a d'ailleurs eu la chance de voir à Paris à l'exposition à laquelle nous avons participé, Hommage, où on a pu montrer les dessins de Freud qui dessinait les cellules, donc l'exposition organisée par Jean-Claire Hommage. Il a même développé des méthodes d'histologie, de coloration des tissus, etc. On va en parler de ces méthodes d'histologie. Un mot sur ce qu'il écrit. Hein. Il écrit Freud, les théories de Darwin m'attiraient fortement car elles promettaient un extraordinaire progrès dans la compréhension du monde. Andreas Meyer. Tout à fait. Donc rétrospectivement, donc Freud voit la psychanalyse sous le signe d'un côté de Darwin et aussi de Goethe, parce qu'il mentionne après Goethe. Et la nature, donc il y a la psychanalyse en premier lieu n'est pas une théorie. Hein. Donc Freud ne veut pas en fait devenir médecin et il le fait par nécessité, non pas par vocation. Je pense que c'est très important de le rappeler. Et Freud le rappelait d'ailleurs, ça aussi à ceux qui reprochent à Freud aujourd'hui de ne pas avoir été un très bon thérapeute. Freud n'a jamais voulu l'être. De toute façon, c'était pour lui. Voilà, la psychanalyse était une science de l'homme, en quelque sorte, avec une vocation scientifique et pas du tout thérapeutique, pas en premier lieu thérapeutique. Ça c'est pour la fin. Sur le début, donc c'est cette inscription à l'université de médecine à Vienne en 1873, il va suivre en parallèle des études de philosophie. Voilà. Avec Brentano, Franz Brentano, qui a un philosophe pas très commun, on va dire, en fait, difficilement classable, parce que c'est à la fois quelqu'un qui lit sur Aristote, qui s'intéresse à Darwin Et à John Stuart Mill, à l'utilitarisme. Donc il y a quand même beaucoup d'incompatibilités. C'est un homme croyant, Freud, qui est athée, donc a beaucoup de discussions avec lui. Freud est dans un cercle d'ailleurs à cette époque où on lit Nietzsche, on discute Schopenhauer. Donc voilà, donc c'est un travail de déconstruction. Voilà, de déconstruction. Donc il est pas du tout dans la, on va dire, dans la mouvance de Brentano. En même temps, Brentano éveille chez lui un désir aussi d'étudier la philosophie. Donc il hésite aussi de faire un doctorat en philosophie, mais il abandonne ce projet. Laura Bessy. Oui, il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, il y avait le grand paladin du darwinisme en allemand, Ernst Haeckel, qui publiait des livres vraiment qui étaient des best-sellers, des grands succès de public et qui enthousiasmaient toute la jeunesse. Et Freud a sûrement, il ne le cite pas en fait, il cite pas Haeckel, il cite Darwin, mais il traite de thèmes haeckeliens pendant toute son œuvre et jusqu'à la fin en particulier. L'idée fondamentale de Haeckel, le principe biogénétique, c'est-à-dire l'idée que l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, est vraiment au cœur des théories psychologiques de Freud. Et d'ailleurs, Freud cite aussi Bölsch, qui est un des biographes de Haeckel, qui était très très connu à l'époque, qui est un grand vulgarisateur assez lyrique, très, qui à l'époque était dans toutes les bibliothèques de la bourgeoisie cultivée de langue allemande, qui aussi vulgarise le darwinisme, etc. Donc c'est vraiment, comme le disait Andreas, Darwin, Haeckel et Goethe sont des références. Ses premiers travaux dans le domaine de la neurologie, d'ailleurs, sont des travaux en neurologie éthologique, puisqu'il va faire un séjour en 1876 dans une station zoologique marine expérimentale à Trieste. Bah oui, en effet, à l'époque, Haeckel notamment et beaucoup d'autres étaient en train de décrire la biologie des invertébrés marins. Et d'ailleurs, Mull, qui était le grand patron de Bruck, donc la généalogie, était un très très grand expert de la biologie marine. C'était l'époque où on fonde les stations de biologie marine, dont après à Naples, celle de Dorn. Et donc, il a passé deux fois ses vacances pour étudier des animaux voilà, il a commencé avec les anguilles, après il a étudié des crabes, etc. Donc et des invertébrés marins. Donc c'était tout à fait la logique pour quelqu'un qui voulait devenir un grand chercheur en zoologie. Andreas Mayer, effectivement, hein, il y a ces passages donc dans cette station de zoologie marine, et puis plus tard il va commencer ses premières études histologiques sur des systèmes nerveux, d'abord d'un poisson, puis des langoustines, et on dit, alors ça, je vais vous laisser le commenter ou non, que Freud n'est pas passé loin, mais qu'il a raté la découverte du neurone. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Non, bon, ça, c'est un peu la légende, Andreas Mayer. Oui, il ne faut peut-être pas exagérer. De toute façon, Freud était, il faisait partie d'une communauté de chercheurs. Donc, il est dans un contexte, bon, il est très bien placé dans l'Institut de Bruck, et après avec Meinert, qui est une de Theodor Meinert, il faut peut-être mentionner Meinert, qui est une très, très grande autorité de l'anatomie du cerveau, qui donc va avoir un impact majeur sur la théorie de l'inconscient, sur la formalisation de l'appareil psychique, etc. Donc, on va trouver les traces dans tout cela, dans ce que Freud va appeler sa métapsychologie. De toute façon, ça. Non, mais on la découverte de neurones. De toute façon, il faut pas, peut-être, il faut aussi ne pas se placer toujours dans la perspective d'une histoire des sciences qui est construite autour des découvertes. La plupart de la science, c'est des ratages. Ou c'est de la routine. Donc, la routine et le ratage. Donc, les découvertes, c'est l'exception, et c'est très souvent rétrospectivement que les choses prennent leur signification. On a eu des grands débats à ce micro sur la discontinuité ou la continuité, ça c'est un débat entre historiens des sciences qu'on va pas relancer aujourd'hui, mais un mot sur ces premiers travaux de neurologie sur ces cellules nerveuses. En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce que fait Freud exactement? Mais en fait, et s'il n'est pas passé à côté de la découverte d'un neurone, il est quand même un de la communauté de chercheurs qui travaille là-dessus. Et donc, il a travaillé sur les fibres nerveuses qui émanent des corps cellulaires, donc c'est déjà quand même très intéressant. Il travaille sur le cytosquelette, il parle du mouvement de nucléoles dans les noyaux cellulaires, il aborde quand même déjà un peu le rôle des cellules nerveuses comme une unité, et il parle de barrières de contact. Donc voilà, comme après dans son texte qu'on discutera peut-être après, il a parfois des visions extrêmement prophétiques parce que évidemment la synapse n'est pas du tout décrite, elle sera décrite par Sherrington bien plus tard. Mais donc il a quand même beaucoup d'intuitions extrêmement intéressantes et intelligentes. J'ai lu ses articles. Mais il fait partie donc d'une communauté, et il est cité par Santiago Ramón y Cajal, qui aura donc le prix Nobel pour la doctrine neuronale et la caractérisation de neurones en 1906. Ça sera le premier prix Nobel en neurosciences. Et quand même, Santiago Ramón y Cajal cite Freud parmi d'autres comme ceux qui ont contribué à cette découverte. On quitte le domaine animal. 1882, Freud obtient un poste subalterne à l'hôpital général de Vienne comme médecin praticien. Il va passer dans le service de psychiatrie en 1883, où il va s'illustrer, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, Laura Bossi, notamment par ses travaux en histologie du cerveau, Andreas Mayer. Oui, tout à fait. Donc Freud, est donc d'après le conseil de Bruquet, qui lui dit bon, il faut aussi gagner sa vie. Donc Freud n'est pas d'un milieu aisé. Il veut se marier avec Martha Bernays, qu'il rencontre à l'époque. Donc, ça va être des fiançailles très longues, parce que Freud doit faire carrière et il veut faire carrière vite. Donc, il se lance donc dans ce travail au Wiener Allgemeines Krankenhaus. Donc, il va d'abord travailler en psychiatrie, donc avec Meinert. Après, il va passer progressivement à la neuropathologie, c'est Fleischl d'ailleurs qui l'assistant de Bruck et qui lui conseille de se spécialiser en neuropathologie, parce que c'est une spécialité qui est pas tellement, on va dire, il y a pas tellement de candidats, de postes à Vienne, hein, et donc là il y a une place à prendre. Et donc c'est longuement préparé, on va dire que c'est quand même 3 années où Freud, au fur et à mesure, il lit beaucoup, il s'instruit, il travaille avec quelques des meilleurs neurologues aussi de son époque, hein, à Vienne. Heinrich Obersteiner est un autre très important. Et puis il prépare au fur et à mesure sa venue à Paris, parce que Charcot est quand même une figure qui... On va arriver à Charcot, mais avant ça, justement, sur ses premiers travaux, sur ses méthodes de coloration à base de chlorure d'or qui vont rencontrer beaucoup de succès. Non, pas vraiment. Alors, pas vraiment, c'est raté. Okay. Mais non, c'est pas. Malheureusement, ça sera pas sa méthode qui se révélera la plus efficace. Ça sera celle de Camillo Golgi en Italie, qui sera. Il qui a été découverte un peu d'ailleurs selon la même logique, mais avec une imprégnation d'argent, de sel d'argent. Donc c'est la fameuse colorazione nera, et donc c'est pour ça qu'il aura le prix Nobel avec Santiago Ramón y Cajal. Mais si on a encore un instant, je voudrais dire un mot sur Meinert, parce que je pense que Meinert a quand même une importance quand même fondamentale pour Freud et ses théories suivantes. Meinert était bon le grand psychiatre et surtout neuroanatomiste viennois. C'est grâce à lui que Vienne, à l'époque, avait un rôle comparable à Paris avec Charcot, qui est en train de créer la grande école française, et à Queen Square à Londres, où il y avait Jackson qui était en train de créer de manière très centralisée à Paris, etc. Ils étaient en train de créer des grandes écoles de neurologie. La neurologie était naissante. Et Meinert était strictement organiciste et il défendait un modèle du cerveau organisé à un aire fonctionnel distinct, formant des centres connecté par des faisceaux de substances blanches, et il imaginait le siège de la conscience dans le cortex cérébral, et il voyait un peu, il disait ce qui place la conscience à la surface et pas bien protégée à l'intérieur du cerveau, etc. Et il voyait après les nerfs qui partaient vers la périphérie, un peu comme une méduse. C'est lui qui a passé à Freud l'idée d'un appareil psychique. Le terme vient de Meinert. Et bien que naturellement Freud se soit après détaché de ce maître, il a été quand même important parce que pour Meinert, les moi est vraiment une projection, une représentation cérébrale du corps, un peu comme Penfield fera après avec l'homoncule. Voilà. Je voudrais juste parler de ça parce que Meinert sera critiqué par une sorte de mythologie cérébrale parce que pour lui, les traces, la mémoire était dans les cellules neuronales, un peu comme la confiture dans un pot, disons. Il était vraiment très très localisationniste, mais il a été quand même un grand chercheur et très important pour Freud. On peut redire un peu, hein, c'est intéressant ça, de redire deux mots justement de la recherche en neurologie en cette fin du 19e siècle, de savoir qu'à l'époque, il y avait une distinction très très forte entre les neurologues d'un côté et les aliénistes de l'autre. Les neurologues ne voulaient pas être aliénistes, enfin, que tout ça était très séparé et que la psychiatrie n'était pas tout à fait la même que celle que l'on connaît évidemment depuis la deuxième partie du 20e siècle. Oui, ça c'est très important et on peut d'ailleurs l'illustrer un peu par le sort qu'on a donné à l'hystérie, parce que l'hystérie était disputée en quelque sorte entre les aliénistes. C'était un état de folie, et pour les neurologues, c'était tout autre chose. Donc c'était le... Après, encore une fois, le pari de Charcot, mais aussi d'autres médecins de l'époque qui avaient des définitions complètement différentes de l'hystérie. Une acception totalement physiologique ou au contraire une acception liée à des troubles cérébraux? Neurologique, par exemple, Charcot était un des grands représentants de l'école anatomoclinique qui était en train de se mettre en place et qui va culminer avec les travaux de Degerine à la fin du siècle et à son grand livre en 14, où on imaginait qu'effectivement toute maladie neurologique avait correspondait à une lésion dans le cerveau. Charcot pensait que c'était pas une lésion anatomique, mais que c'était un dysfonctionnement fonctionnel, mais quand même localisé quelque part dans le cerveau. Et Freud, au début, était tout à fait d'accord avec cette vision, qui était la vision moderne de l'époque, disons. On était en train de construire la neurologie pour corréler les symptômes neurologiques, etc. Mais après, et ça je pense que Andreas va en parler mieux que moi, quand Freud arrive à Paris, très enthousiaste, Charcot lui fait une très très grande impression, il se trouve devant une neurologie qui essaye de décrire les symptômes, de faire une sorte de vocabulaire des symptômes de l'hystérie pour essayer de retrouver des corrélations physiologiques. Ils font aussi des mesures un peu selon Marais, ils enregistrent, ils photographient, ils dessinent. D'ailleurs, dans l'exposition, on avait pu montrer des dessins de toutes les phases de la grande hystérie qui ressemble un peu à une grande crise épileptique. Et Freud et ses élèves, à l'époque, essayaient de trouver des corrélations. Bien sûr, après, dans son texte sur l'hystérie, Freud se détachera complètement parce que voilà, il dira que même si c'est juste une localisation physiologique fonctionnelle, ça ne marche pas parce que l'hystérie ne connaît pas l'anatomie. Hello, young fella, my name is Fred Freud. I hear you suffer neurotic afflictions. You act like a boy, but you're really a man. Could your mama have caused these conditions? No kisses or posies can cure your new rosies. We'll set a new time on your clock. Have a few drinks tonight. Go start a fight. You just need a shot of some Bach. My name is Fred Freud. I hear you suffer from nervous conniptions. I come in your life to brighten your days, write you a sterling prescription. Your mind is all boozy, constricted and oozy. The pounding you hear's your own heart. Go buy a red sweater. Tomorrow you'll feel better. You just need a shot of Mozart. Fred Freud de Lee Hazlewood sur France Culture à 16h35, puisque c'est bien de Sigmund Freud, et non pas de Fred, dont il est question tout au long de cette heure et de ses travaux en neuropathologie, en neurobiologie, en psychiatrie. Nous en parlons avec Laura Bossi, qui est neurologue, historienne des sciences au laboratoire Sphère de l'Université Paris Diderot, et Andreas Mayer, qui est historien et sociologue, directeur de recherche CNRS, affilié au centre Alexandre Coiré à l'EHESS. Nous reprenons donc eh bien, la suite du parcours médical et neurologique de Sigmund Freud. On arrive eh bien, à ce fameux séjour à Paris. En 1885, il obtient une habilitation à enseigner ainsi qu'une bourse de voyage. Il va donc aller s'installer dans la capitale française pour suivre les enseignements de Jean-Martin Charcot. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'hôpital Salpêtrière à Paris où enseignait Charcot. Tout à fait, Charcot donnait des leçons que Freud a pu suivre entre fin 85 et début 86. On dit que Freud restera très influencé par ses leçons, en particulier celle du mardi, très impressionnante, avec des démonstrations en public de cas de patients en pleine crise d'hystérie. Par la suite, Freud restera en relation avec Charcot, notamment pour traduire ses travaux en allemand et diffuser ses idées. J'ai retrouvé Florian Aurin, conservateur de la bibliothèque Charcot, devant un tableau d'André Brouillet représentant une de ses fameuses leçons. On sait que Freud a été très très impressionné par Jean-Martin Charcot. Charcot, à sa mort, a connu un certain désamour par certains aspects, parce que notamment ses études sur l'hystérie étaient considérées comme totalement biaisées. Freud, au contraire, lui, a toujours revendiqué en fait cette attache à Charcot. Lui, Freud, c'est... Il continue à le réhabiliter malgré... C'est ça. Le désintérêt de la communauté des neurologues. C'est ça, vraiment. Vraie admiration. Sur les travaux de l'hystérie plus en particulier, sur quoi s'est-il fondé des travaux de Charcot pour lui-même après développer sa théorie de la psychanalyse qui se détache finalement de l'hypnose et de cette méthodologie développée par Charcot? Alors Freud a surtout assisté en fait aux leçons du mardi de Charcot. Alors les leçons du mardi en fait étaient des leçons quasiment pratiques. Charcot faisait venir des patients de son service et présentait des cas cliniques devant un parterre de public, alors qui étaient généralement des médecins. Et ce qui a pu peut-être davantage marqué Freud, c'est ce côté assez théâtral de Charcot et cet intérêt finalement pour des cas qui deviennent quasiment des idéaux de la maladie, des cas qu'il faut étudier à fond pour réussir à comprendre la maladie dans sa globalité. Alors il y a les hystériques, notamment on a une reproduction du tableau de Brouillet derrière nous. Là on est dans l'amphithéâtre de la Salpêtrière, on se trouve pas loin. Oui c'est ça. C'est une reproduction en fait des leçons du mardi à la Salpêtrière, donc qui a été fait par le peintre Brouillet, qui donc représente en fait, donc à gauche on voit le parterre des élèves de Charcot, donc le choix des élèves est fait en fonction de la célébrité au moment du tableau, donc on ne voit pas Sigmund Freud par exemple, mais on voit Bourneville, on voit Richer, on voit Georges Gilles de la Tourette, on voit en fait tout ce qui est un peu le gratin des élèves de Charcot et des médecins qui vont avoir une postérité extrêmement importante. Et donc à la droite, on voit Charcot qui est en train donc de donner cours et on voit une dame donc effondrée, Blanche Whitman, c'est ça. Et Blanche Whitman, qui était une hystérique, un des cas typiques qu'étudiait Charcot d'hystérie, il l'a considérée comme un des cas les plus intéressants pour l'hypnose notamment. Du coup, c'est très intéressant parce que du coup, c'était aussi très spectaculaire quand on présentait ça dans une leçon du mardi. Et donc Charcot a hypnotisé Blanche Whitman. Elle s'est effondrée dans les bras donc de Babinski, qui à l'époque est l'élève préféré de Charcot. À côté, il y a Madame Cotard, qui est l'infirmière de Charcot. Donc Freud, lui, quand il arrive en 85, il assiste en immersion à ce genre de travaux pratiques. Oui. Et comment il va s'entremêler dans ces travaux? Alors il va pas être observateur ou est-ce qu'il va aller jusqu'à assister Charcot? Alors c'est très compliqué à dire. Il va garder cet intérêt pour certains cas considérés comme des types à observer. Mais en fait, il va surtout avoir aussi, il va mettre en place une relation un peu scientifique avec Charcot, notamment parce que Freud est viennois, donc il parle allemand, et Charcot va en fait très largement utiliser Freud comme un traducteur pour ses propres écrits, pour développer ce... Il diffusait ses connaissances dans l'Europe. C'est ça, et c'est à ce moment-là qu'ils vont mettre en place une correspondance, et c'est que vont commencer en fait les échanges scientifiques entre Charcot et Freud. Est-ce qu'il y avait une différence d'approche? On sait que Charcot était très orienté sur la neuropathologie, l'anatomie cérébrale, alors que Freud peut-être pas. C'est vrai que alors Dégéry n'était pas un élève de Charcot. Charcot est peut-être un peu le descendant de cette psychiatrie française qui parlait de dégénérescence, qui parlait d'hérédité des maladies. Et Freud, en fait, va va s'écarter en fait un peu de ce chemin et va être plutôt dans une approche psychique, une approche où la maladie se construit chez le sujet plus que elle n'est héritée du sujet. C'est peut-être ça la principale différence entre ce qui sera l'école de Charcot et ce que va créer Freud de son côté, qui est qui s'intéresse plus à la personnalité du patient. Est-ce que vous pensez qu'après son passage à la Pitié-Salpêtrière, son stage, Freud a connu un tournant dans sa carrière de médecin, neurologue et finalement psychiatre ? Alors c'est difficile à dire, puisque c'est aussi Freud arrive sur Paris avec une bourse et est considéré comme un jeune médecin prometteur et finalement c'est aussi d'une manière générale, le début de sa carrière, le simple fait d'aller à Paris, c'est le début de sa carrière. Donc, est-ce que c'est vraiment Charcot qui devient... C'est vrai qu'il avait que 29 ans, C'est ça, il était jeune, et puis c'est, ben voilà. Mais après, peu après, c'est effectivement commencent à arriver les premiers ouvrages de Freud. Certains sont envoyés d'ailleurs dédicacés à Charcot par Freud lui-même. Mais c'est vrai que c'est le moment où Freud commence vraiment sa carrière, commence à se faire connaître. Donc est-ce que c'est la rencontre avec un Charcot qui est un tournant, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est juste dans le cours normal de la carrière, du développement de la pensée de Freud lui-même? Ça a été un moment important dans la pensée de Freud, mais on peut aussi penser qu'il aurait réussi une très belle carrière sans rencontrer Charcot. Voilà ce reportage à la Salpêtrière à Paris, où Freud a donc suivi les cours de Charcot. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Andreas Mayer ? Oui, je pense qu'il faut peut-être préciser que, de toute façon, Freud était vraiment inséré dans le travail à la fois clinique et aussi de recherche de la Salpêtrière. Donc il n'a pas juste assisté aux leçons de mardi, parce que les leçons de mardi, c'était la polyclinique. C'est-à-dire Charcot recevait des patients qui venaient de tout Paris, et il présentait ses patients à un public, donc en théorie c'était des patients qu'il ne l'avait pas vu, mais en réalité ces patients évidemment étaient préparés, donc c'était une présentation pas grand public, mais il y avait, c'était pas dans un cercle restreint. Mais Freud, c'est beaucoup plus intéressant, a quand même participé à beaucoup de présentations et d'expériences de Charcot dans l'espace de la clinique qui était sans public. Ouais. Et là, effectivement, il y avait toute la question de comment on utilise l'hypnose, comment on va interpréter comment on va manier donc le corps des hystériques pour obtenir des résultats. C'est tout d'abord un modèle expérimental. Là aussi, il faut insister que l'hypnose, pour Charcot, c'est purement expérimental. Donc c'est un modèle expérimental, et c'est ça qui a séduit quand même beaucoup de gens. Et Freud souscrit complètement à cette idée que on a un laboratoire où on est capable de reproduire ces états nerveux, et finalement d'écrire, comme Laura disait tout à l'heure, donc avec toute une classification donc de postures, d'états, etc., qu'on va après mettre en forme, etc., et maîtriser. Donc vraiment dans une approche de laboratoire. Laura Bessy. Je suis totalement d'accord avec Andreas. Et en effet, dans le tableau, si on regarde, il y a d'ailleurs paquet de médecins. Il y a Jules Claretti qui était l'administrateur de la Comédie Française. Oui. Il y a un critique d'art, oui, pour la Reine. Bon, je veux dire, là, c'était un peu, effectivement, un peu plus ouvert à un public général. Mais Freud était intégré dans l'équipe de recherche, et c'est ça qui l'intéressait au plus haut point, parce qu'il avait effectivement en tête de, ensuite, à son retour à Vienne, être un peu l'ambassadeur de la grande école française à Vienne. Peut-être qu'on peut redire un mot, parce que là aussi il y a une forme d'anachronisme ou d'incompréhension sur la nature de ce qu'on appelle l'hystérie à l'époque et de ce qu'on appelle l'hystérie aujourd'hui. Ça n'est pas la même chose, ça n'est pas du tout la même acception. C'est un ensemble de pathologies beaucoup plus vaste. Andreas Mayer. Oui, tout à fait. Le problème, c'était l'hystérie était un objet totalement protéiforme. Et donc le défi de Charcot, c'était, bon, premièrement, l'arracher aux aliénistes. Les fameux aliénistes qui sont donc... Voilà. Et lui donner une forme précise, donc reproductible. hein, avec donc avec des symptômes, avec cette classification. Donc il y avait la léthargie, la catalepsie et le somnambulisme. Bon, le problème avec le somnambulisme étant que c'était un peu pas très clair comment le manier. Donc la catalepsie, avec la léthargie, la catalepsie, ça marchait très bien parce que c'est des états circonscrits, maniables. Alors que bon, dans le somnambulisme, il y avait plein de phénomènes évidemment aussi psychiques qu'il fallait aussi ou du comportement, si on peut dire. Freud en disait d'ailleurs que c'est un terme dépourvu de signification, un tant soit peu circonscrite. Oui, d'ailleurs, ça s'est pas franchement amélioré depuis, je dois dire, parce qu'il y a eu une évolution de la nosologie. Et bon, maintenant, l'hystérie existe toujours, elle est toujours aussi maltraitée, je dois dire. Mais bon, elle est un peu scindée en conversion et dissociation. Et il y a des parties de cette qui sont. Et il y a encore un débat lors des classifications DSM où on peut la caser, en fait. Donc, mais à l'époque, c'est vrai que c'était très, très protéiforme, et Charcot essayait par des méthodes vraiment scientifiques. C'était les méthodes scientifiques de l'époque. Donc, on peut pas lui reprocher de s'être trompé, c'était le plus grand neurologue français, le fondateur de l'école française de l'époque. On peut pas lui reprocher de s'être trompé, comme on peut pas lui reprocher d'avoir essayé de soigner les parkinsoniens, qu'il a très, très bien étudié d'ailleurs, celui qui a d'ailleurs nommé la maladie de Parkinson d'après Parkinson, en mettant les patients sur une chaise où on les secouait. Si vous voulez, c'était l'époque. En 85, quand, il faut pas oublier, quand Freud arrive à Paris, c'est l'année des funérailles de Victor Hugo. C'est encore un monde, et la neurologie est en train de se bâtir. Voilà. Donc, je crois que j'ai perdu le fil. Non, mais c'est pas, non, pas du tout, mais c'était très bien. Peut-être qu'on peut, du coup, sortir un peu de ce lien entre Charcot et Freud. Effectivement, Freud va emmener avec lui ce bagage. De retour à Vienne, il va s'attaquer notamment à ce qu'on appelle les paralysies hystériques, mais aussi, plus généralement, aux états de paralysie, et notamment chez les enfants, Andreas Maier. Oui, si vous permettez, voudrais quand même juste dire un petit mot que Freud ne traduit pas seulement Charcot, mais aussi Bernheim, qui est l'adversaire de Charcot. Donc Freud veut être sur les deux plans, donc sur le plan expérimental et sur le plan thérapeutique, parce que Freud se rallie à un mouvement qui va utiliser l'hypnose comme un moyen thérapeutique. Effectivement, il continue en même temps un programme qu'il a commencé, donc un programme de recherche que Charcot lui a donné sur les paralysies. Donc il va travailler sur cet article, en fait, que Charcot veut publier, donc qui va être publié, mais bon, l'année donc de la mort de Charcot, donc il va pas donc aller jusqu'au bout. Oui. Et oui. Je sais pas, est-ce que comme vous voulez, qui veut continuer sur ses travaux, vraiment sur ses travaux au Kinderkranken Institute, sur les neuropathologies infantiles, sur lesquelles il va travailler pendant 10 ans. Bah oui, là on oublie quand même un peu effectivement que Freud était un des tout premiers neuropédiatres et que dans l'histoire, son livre sur les paralysies infantiles qui ne sont pas du tout hystériques, hein, c'est vraiment des lésions neurologiques, a été un livre de référence pendant des années. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, certains neurologues un peu intéressés à l'histoire le lisent parce qu'il y a des descriptions cliniques excellentes. Il a quand même appris une neurologie avec des descriptions de symptômes extrêmement fines. Si on revient un peu à la relation, effectivement, il a publié aussi Bernheim plus tard, mais c'est quand même beaucoup plus tard qu'il se détache complètement de la vue de Charcot, qui admettait des pathologies nerveuses dues à des troubles dynamiques, aujourd'hui on dirait fonctionnels, disons, sans lésions visibles. Mais quand il écrit finalement son livre sur l'hystérie, là il se détache complètement même de ça. Oui, il faut peut-être dire qu'on va un peu vite en besogne parce que les études sur l'hystérie c'est difficile en 95. J'aimerais vraiment qu'on revienne un peu sur ces 10 ans de travaux, ou notamment sur les diplégies, où il y a vraiment là un travail de recherche travail de fond en neuropathologie qui est souvent passé sous silence et qui me semble pas pourtant intéressant, Andreas Maier. Oui, bon, tout à fait, je suis d'accord avec vous. La question, c'est comment l'articuler avec le reste, hein. Ouais, je vous laisse et le soin de, non, de façon, trouver une réponse à cette question. Vous voulez ça en tant que neurologue, ça c'est un travail qu'un bon, un grand neurologue fait. Et après, bon, il a fait ce travail et il passe à autre chose. Je pense qu'il faut aussi voir ça reste à l'histoire de la neurologie, mais ça, les paralysies infantiles n'ont pas énormément à voir avec ces développements théoriques futurs. Bien sûr, on est d'accord. Donc, ça montre juste que c'est un très bon clinicien. Il faut voir aussi que c'est un institut assez novateur qui a été créé par donc Max Kassovitz, et que ce poste a été créé pour Freud, pour lui donner aussi un poste, parce qu'il n'avait pas de poste. Il était professeur honoraire après, plus tard, mais il enseignait en tant que privat docent à l'université, où il faisait toute autre chose, où il faisait un cours sur la théorie des névroses, donc un cours purement théorique. Et troisièmement, il avait sa pratique privée, où il pratique l'hypnose, la suggestion au sens de Bernheim. Donc ces trois activités en parallèle qui vont mener vers, après, la psychanalyse. Donc ils vont mener après, avec le travail de Breuer, aux études sur l'hystérie, qui sont publiées en 95, tardivement, on va dire, parce que déjà la théorie de Freud-Breuer est présentée en 93. Oui. Mais il y a ces deux années de retard, ces deux années où il va petit à petit d'ailleurs prendre, enfin il va dire qu'effectivement cette théorie psychanalytique il la doit à Breuer, mais qu'en même temps c'est lui le père parce qu'il laisse de côté la méthode cathartique de Breuer. Mais avant peut-être préciser qu'en 1991, donc avant cela, il y a cette publication sur les paralysies cérébrales unilatérales chez les enfants. Comment est-ce qu'il passe de cette pratique clinique, Laura Bossi, à bien la reprise de ses travaux sur les paralysies hystériques qui vont le conduire justement à rédiger ses études sur l'hystérie en 1995. Disons, il a laissé un peu de côté. C'est la même année où il essaye encore. Et d'ailleurs, ça date de cette année, le fameux Entwurf, l'esquisse. Il essaye encore, dans ses théories, de raisonner un neurologue, en gros. Mais il se rend compte que pour l'hystérie, il doit se détacher de la méthode anatomoclinique et construire des modèles qui ne tiennent plus compte du tout de l'anatomie. Je ne sais pas exactement quand il a lu Jackson, quand il a commencé à développer des visions quand même du cerveau un peu différentes, mais il est sûr que il a écrit sa contribution à l'étude des aphasies, qui à mon avis aussi est un livre qui mériterait d'être relu aujourd'hui par les neurologues. Parce que c'est pas un livre de clinique, il a pas des cas à lui, c'est une sorte de revue critique de la littérature en analysant les théories. Et c'est là qu'il critique très vigoureusement son maître Meinert pour cette théorie trop mécaniste, en fait, localisationniste. Il dit le cerveau ne marche pas comme ça. La mémoire, les aphasies ou les troubles ne sont pas dus à une lésion qui tuerait des cellules qui contiennent des informations, etc. Mais c'est plutôt de la mémoire est un processus. Les aphasies sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on imagine. C'est pas aussi strictement localisé. Et je pense qu'aujourd'hui on revient un petit peu à un localisationnisme. Je pense que c'est un livre qui reste extrêmement intéressant. Et donc, il s'éloigne de plus en plus de l'anatomie, en fait. Donc, j'ai dû à nouveau perdu un peu le fil. On était arrivé aux études sur l'hystérie. On arrive aux études, c'est ça. C'est finalement, peut-être qu'on peut parler de sa rencontre avec Breuer, qui est vraiment essentielle. Ça, je vais laisser Andreas Mayer. Non, mais on a peut-être trop souvent sous-estimé un peu Breuer. Mm-hmm. Déjà, Breuer est... Qui est-il? Voilà, racontez-moi. Breuer travaille donc aussi dans l'Institut de Bruck. Mais c'est quelqu'un qui est le médecin de familles très importantes à Vienne, des familles aristocrates, de la grande bourgeoisie. Donc il va introduire, présenter Freud dans ces milieux. Il va lui passer énormément de patients et aussi le soutenir financièrement. Ça, c'est très important. Et pendant de longues années. Et en même temps, quand ils vont publier les études sur l'hystérie, ils se sont déjà brouillés. Hein. Et Freud surtout s'est éloigné de Breuer. Pour quelle raison d'ailleurs ? Freud va développer une théorie très différente de l'explication donc de l'hystérie, qui repose donc sur sa thèse que c'est donc un traumatisme au fond sexuel qui crée donc l'hystérie. Donc il y a l'étiologie donc sexuelle de l'hystérie. Et là, Breuer, bon, il n'est pas convaincu, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, que on puisse admettre de façon universelle que ce soit le cas. Donc Breuer a un modèle d'explication d'ailleurs tout à fait intéressant, mais qui ressemble beaucoup à ce que vont au modèle de Janet ou de Binet ou d'autres en fait d'autres chercheurs français qui donc sont plutôt dans le sillage de Charcot, donc d'une dissociation. Hein, donc qu'on ait plutôt affaire à deux personnalités distinctes, et ça c'est une hypothèse que Freud veut pas admettre. Donc il dit il y a une unité, mais il y a il va commencer à parler du refoulement, de la défense, etc. Donc il y a des processus du moi qui est à penser dans son unité, mais pas comme un phénomène de personnalité distincte. Et puis aussi, Laura Bossi, une différence de méthode, hein, cette méthode cathartique que Freud rejette après l'avoir examinée, et puis, pas tout à fait. Je vous laisse commenter. On va dire plutôt progressivement, oui. parce que les études... C'est quoi la méthode cathartique déjà? La méthode cathartique, c'est l'abréaction. Donc par la parole, donc faire de l'abréaction. En fait, de toute façon, c'est un mot qui n'existe pas en allemand, donc c'est une création, abréagieren. Donc on va, en parlant, donc dissoudre ce qui est en quelque chose figé dans le corps. Donc on va donc libérer les patients de leurs symptômes par la verbalisation extrême. Voilà, ou par un acting out, en fait, par des choses parfois un peu dramatiques. Donc on est vraiment pas trop loin encore du théâtre, ce qu'on appelle le théâtre un peu de Charcot et de La Salpêtrière. Donc c'est par des actes, c'est par des actes de parole où on va se défaire du symptôme. Évidemment, le symptôme après reparaît. On arrive dans les dernières minutes, peut-être un mot aussi, Laura Bossi, de conclusion autour de la mémoire. Oui, je vais peut-être... En quelques mots, hein, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, je vais revenir un peu. Donc, pour Freud, l'hystérie n'est pas liée donc, à une lésion même dynamique, mais il y a un passage de l'observation de la manipulation du corps à l'écoute des patients et à la recherche de l'inconscient dans le langage. Et donc, c'est l'ouverture d'une possibilité de la cure par la parole. Et dans ces études... je vais juste peut-être terminer avec une citation de Freud sur le rôle de refoulement, où il dit « La mémoire des patients est comparée à une archive qui est composée de plusieurs strates déposées autour d'un noyau, formée par une idée pathogène, etc. » Donc, elle est comparée d'une certaine manière comme un corps étranger. Voilà. Et ce sera le mot de la fin que nous laisserons à Freud également. Merci beaucoup Laura Bessy, merci Andreas Mayer d'être venu nous parler de Freud, de ce Freud neuropathologiste, neurobiologiste, psychiatre et jusqu'à avant ce Freud préanalytique en quelque sorte. Si vous voulez en savoir plus et en écouter plus autour de Freud, je vous renvoie et nous avons publié le lien sur le fil Twitter de l'émission vers la grande traversée de Christine Lecerf autour de Freud qui a été diffusée l'été dernier. 10 heures de documentaire autour de Freud, voilà, on peut vous laisser le lien vers le podcast à ce sujet. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint, Vulfranc, Céline Lozen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard, à la réalisation et Alex Dang à la technique. Demain, direction Nantes pour la 20e édition du festival Les Utopiales dont France Culture est partenaire sur le thème cette année de coder, décoder. Nous parlerons donc de la difficulté à décoder la science dite dure dans les romans de science-fiction de Hard Science. Rendez-vous demain à la Cité des Congrès de Nantes en direct et en public des Utopiales. Ce sera à 16h jusqu'à preuve du contraire.